car vous irez pourrir, fière et fine mondaine, chef-d'œuvre unique de Paris, pourrir comme un chien mort, et ce plomb et ce chêne sont de dérisoires abris. Vous, belle, vous, grand cœur, vous, âme immense ouverte aux voies de l'univers profond, vous, tout, vous pourrirez, fétide, informe, inerte comme une charogne sans nom. L'enfant chaste, qui étant hier en robe rose, la femme et le vieux chien crevé que l'on pousse du pied seront la même chose. Oh, l'on se dit, ai-je rêvé? Toujours la longue nuit splénique et solitaire, toujours pourrir loin des vivants, au seul bruit éternel de l'eau filtrant sous terre, dans le seul sanglot des grands vents. Vos seins blancs seront secs comme deux vieilles nèfles, vos cuisses iront en lambeaux, votre nez si mutin ne sera plus qu'un trèfle, et vos bras que deux maigres os. Tout pourrira. Vos mains, qui retenaient les guides au bois de si belle façon, votre ventre, peau flasque, et se creusant de rides, votre cervelle de pinson, vos intestins sucrés, vos pieds souples d'almée, vos poumons roses, votre cœur, et votre clitoris qui vous tordait, pâmé, en de longs spasmes de langueur. Au trou de vos yeux bleus rêvera la vermine, vos blonds cheveux soyeux, ardents, tomberont. Et, pour faire au vermou bonne mine, vous sourirez à belles dents.